La rechute est rude, en pleine lutte, j'affûte mes armes. Mon rap pousse l'âme, tu as tous vacarme. Le brouillard d'une life perdue sur Pontoise. Pourtant j'y connais les chemins, ces recoins. Minuit en compagnie d'un joint, je n'y rencontre pas que des gens bien. À chaque pas, à chaque latte, je m'enfonce simple plus loin dans l'obscurité. En toute sincérité, cheaté, brisé de folie, enivré, mon cerveau est saturé. Le P d'autres chargé ou même pas assez, tu sais, ça aurait fait le même effet. En effet, je n'ai plus confiance en cette substance dans mon sang. Sache qu'il n'y a pas que le shit, mais aussi la crise de schizophrénie. Physiquement, mentalement, je ne suis plus dedans. Comme en toi me parlant, mécontent, je te rends dedans. J'évolue et continue à tirer sur les putes et les fausses brutes qui se croivent fut, feu sur eux. Je crache sur toi, je te clash et ne pense plus à toi. Bon débarras.